Et maintenant, qui ressent du regret, oh, de la discorde, l'amour et l'univers d'aujourd'hui, ce sont les esclaves d'un avenir menaçant. Le long d'une plantation dévastée, ma main cherchait ton visage nerveux. L'après-midi du dimanche agonisait. Des boîtes de conserve roulaient sur les quais. Après avoir lu la révolte de Gabriel, un esclave qui choisit finalement de mourir plutôt que de tuer ses maîtres sur les routes de soie d'Atlanta. Et maintenant, qui ressent le chagrin ou la discorde? Le lierre et les épines avaient envahi ma solitude avant de conquérir tes domaines. Semer une autre discorde, tu craignais de tomber dans les bras d'un immigrant, comme ces dames jadis aimées par des esclaves. Je t'ai répété que l'amour est l'univers de ce jour. Constellations érodées, la voûte céleste.